Chapitre 13. La louve. Pour le coup, le joli sabotier pâlit. « Salut Joss, mon garçon, » dit-il pourtant. « Tu pourrais rendre service à ta bonne femme de mère en lui conseillant de se mêler de ceux qui la regardent. Je l'ai brusqué tout à l'heure en passant et j'en ai regret parce qu'il faut toujours avoir égard aux anciens. Mais il ne faut pas non plus que les vieilles femmes empêchent la besogne des hommes de se faire. » Jocelyn Guitton quitta sa mère et vint se mettre en face de Yomi. « Quelle besogne fais-tu ? » demanda-t-il d'un ton froid et sévère. « Quant à cela, répliqua le joli sabotier, nous n'avons pas à nous disputer, mon gars Joss. Je commande ici, pas vrai ? Je n'ai de conseils à demander à personne. » Il jeta un regard autour de lui pour chercher de l'approbation. Le noyau des coquins qui l'entouraient lui fit fête, et quelques ivrognes se joignirent à eux parce que Jocelyn ne buvait jamais. Mais le gros des loups restait déjà silencieux et attentif. C'était un procès qui allait s'entamer. Yomi vit cela et ne trembla point. En fait de plaidoirie, il avait fait ses preuves. Les loups s'étaient laissés prendre 100 fois à sa sauvage éloquence. « Tu commandes ici à la condition d'obéir, » répondit Jocelyn Guitton. « Il y a quelqu'un au-dessus de toi. Tu as des avis à demander et des comptes à rendre. « Regarde-moi bien, Yomi. Je ne te parle pas de ce que tu as fait à ma mère. Je te dis, Yomi, tu es un traître, et je vais t'attendre à la chambre du conseil. Choisis tes juges. » Il tourna le dos, fendant la foule qui s'écartait avec respect. Tout en se dirigeant vers l'autre bout de la galerie, il désignait à haute voix les juges qui, tout à l'heure, allaient décider entre lui et Yomi. Chaque fois qu'il prononçait un nom, le loup désigné se mettait à sa suite. Il avait droit d'en prendre 7. Un droit pareil appartenait à l'accusé. C'était la loi des anciens frères bretons qu'il avait emprunté aux coutumes des Gaëls. Yomi hésita un instant. Au moment où Jocelyn tournait le dos, on vit le couteau du joli sabotier sortir à demi de sa gaine. Mais l'aspect de la foule l'arrêta. La foule n'était pas avec lui en ce moment. « Il faut que je les retourne, » pensa-t-il. « Sans cela, je suis perdu. » Le temps passait, du reste, et gagner du temps, c'était tout. Car Yomi comptait sur le terrible coup de théâtre qu'il avait préparé en favorisant la fuite de l'intendant et du sénéchal. Il se mit donc en marche à son tour, appelant à droite et à gauche ceux qui l'instituaient ses jurés. Jocelyn était déjà dans la chambre du conseil. Ses 7 arbitres s'asseyaient sur leur billot, à droite de la draperie d'argent. Ceux de Yomi prirent place à gauche. La niche voilée se trouvait ainsi au centre. C'était la coutume et c'était un symbole. Le tribunal des 14 était censé être présidé par la louve en personne, derrière la draperie qui ne se levait jamais. La foule pénétra dans la chambre du conseil à la suite de Yomi, et ceux qui ne purent entrer se massèrent dans la galerie. Jocelyn et Yomi se placèrent debout, en face l'un de l'autre, comme deux lutteurs. « De quoi m'accuses-tu, Jocelyn Guitton ?» demanda le chef des loups. « Je t'accuse, » répondit Jocelyn, « d'avoir trahi la Bretagne et tes frères. Dans ces grottes, tout à l'heure si bruyantes, vous eussiez entendu la souris courir. » Yomi haussa les épaules, comme s'il n'eût point daigné répondre à cette inculpation trop vague. « Et que demandes-tu ? » interrogea-t-il d'un air provoquant. « Ta mort, » répliqua le fils de Dame Guitton au milieu du plus profond silence. « Tu te souviens que chez nous, » dit le joli sabotier sans perdre son assurance, « le faux accusateur paie pour l'accusé innocent. »« Je m'en souviens. La mort que tu demandes pour moi, tu l'acceptes pour toi ?»« Je l'accepte. » »« Parle donc, mon gars Jocelyn, je ne suis pas si méchant que toi. » Je te promets qu'on te fera grâce. » Il y eut un petit mouvement dans le cercle qui entourait le tribunal. Ce mouvement était en faveur de Yomi. « Tu as trahi, » reprit cependant Jocelyn. Nous avions deux otages, tu les as mis en liberté. Nos vrais otages, répliqua Yomi, c'était le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, et la princesse, sa femme. Ce n'est pas moi qui les ai mis en liberté. Un second murmure plus marqué prouva qu'il avait encore touché juste. Tu as trahi, poursuivit Jocelyn, ces deux otages dont je te parle, Alain Polduc, sénéchal de Bretagne, et Feydeau, intendant pour le roi, avaient été confiés à ta garde par celle à qui nous obéissons tous. C'est moi qui t'avais transmis ces ordres. D'un regard rapide, Yomi fit le tour du cercle. Sans prononcer aucun nom, Jocelyn Guitant venait d'évoquer un invisible et suprême arbitre. Il avait fait allusion au chef mystérieux dont la pensée seule inspirait la vénération et l'effroi. C'était là l'arche sainte qu'il n'était pas même permis d'effleurer. Mais c'était aussi ou jamais le moment de porter le premier coup de marteau à l'idole. Le joli sabotier fit un pas vers l'intérieur de l'enceinte. Sa pose prit de l'ampleur, son accent de la solennité. « Trêve de tromperie, Jocelyn Guitant, s'écria-t-il. Je t'aurais laissé en repos, par respect pour nos défunts maîtres, qui t'aimaient, par pitié pour les cheveux blancs de ta vieille mère. Mais tu as comblé la mesure, mon homme. Et c'est moi, vous entendez, vous autres, c'est moi qui t'accuse maintenant devant tous et qui te dis « Jocelyn Guitant, tu as trahi la Bretagne et tes frères. » « Silence, silence » fit-on de toutes parts. Chaque poitrine retenait son souffle. « Écoutez-moi bien, mes enfants et mes amis, » poursuivit le joli sabotier, qui était, quand il voulait, un terrible orateur. « En voici un qui nous fait agir depuis 10 ans comme une troupe de marionnettes. Il se dit une fois « Ce sont des esprits simples et grossiers, de pauvres paysans, des moutons. Je vais les tromper et me faire leur maître. J'aurai un rideau et j'aurai derrière le rideau, je ne sais quel fantôme, dont je ferai pour eux un épouvantail, la louve. » À ce nom, la foule frémit, et Yomi le sentit bien, mais il avait brûlé ses vaisseaux. « La louve, » répéta-t-il en élevant la voix, « j'ai dit la louve. » « Vas-tu insulter Rohan ?» s'écria le vieux Joachim qui était parmi les juges. « Laissez dire, » ordonna Jocelyn. Et la foule, déjà gagnée à demi peut-être, répéta. « Laissez dire !» Elle avait peur, la foule, mais ses émotions lui sont chères. Elle attendait quelque grand événement. Son cœur sautait, son cœur qui battait dans 1000 poitrines. Nous disons vrai. La foule aime mieux encore frémir que boire et que danser. « La louve !» répéta pour la troisième fois le sabotier, enhardi par son succès, car en définitive ce nom redouté n'avait point fait crouler les voûtes de la caverne. « La louve n'est qu'un mot, et ce mot est un mensonge. Voyons, je vous le demande, si la fille de Rohan existait, pensez-vous qu'elle eût protégé Toulouse, qui a fait mourir son père en exil ?»« Non, non » fit-on de toutes parts. « Pensez-vous qu'elle eût laissé depuis 10 ans Alain Polduc dans le manoir de ses aïeux ?»« Non, non !»« Pensez-vous qu'elle eût passé 10 années sans se montrer à ses vassaux et à ses serviteurs ?»« Oh non, non !»« Alors, n'avais-je pas raison de vous dire que c'était un épouvantail, un fantôme derrière lequel celui-là, il montrait Jocelyn, se cachait pour nous subjuguer d'abord et puis pour nous vendre à la France ? Comme il nous aurait subjugués sans moi ! Comme sans moi, il nous aurait vendus ! « Réponds, Jocelyn Guitant !» s'écrièrent plusieurs voix. Et comme Jocelyn gardait le silence, plusieurs juges dirent aussi. « Réponds, Jocelyn, il est temps !» La cause du joli sabotier était autant dire gagnée. Cependant, bien des regards se fixaient encore sur la draperie d'argent avec terreur. Qu'y avait-il derrière ce voile qu'on ne pouvait toucher sous peine de la vie ? La pensée d'un miracle était dans tous les esprits. Et chacun, sans y croire tout à fait, se représentait la grande figure de la louve derrière cette mystérieuse draperie. Yomi les connaissait. Il voulut frapper le coup suprême. « Lui, répondre ? » s'écria-t-il. « Je l'en défie. Dites-lui de vous montrer la louve. Le temps des mensonges est passé. J'ai mis mon talon sur son fantôme. Que reste-t-il ? Le voilà muet, lui, le véritable traître. C'est moi, mes enfants. C'est moi, mes amis, qui vais répondre à sa place. C'est moi qui vais vous montrer ce que c'est que la louve. Misérable ! S'écria Jocelyn, qui le vit faire un pas vers la draperie. Le sang s'arrêta dans toutes les veines. Les 14 juges se levèrent du même mouvement involontaire. La louve, reprenait le sabotier, avec des éclats de voix insensés, car il s'était enivré de sa propre parole et l'effort qu'il faisait pour vaincre sa terreur lui portait au cerveau. La louve, ah ah, vous allez voir ce que nous adorons depuis 10 ans. Un vieux fauteuil qui se moisit dans une niche vide. Ouvrez vos yeux, regardez bien. Voilà que je touche le voile. Regardez si la mort me foudroie. Son visage se marbrait de teintes rouges et livides. Il avait peur, mais il osait. Il osait, mais l'épouvante faisait claquer ses dents. D'un geste convulsif, il écarta violemment la draperie. Toutes les épaules plièrent, comme si la voûte eût menacé ruine. Mais il n'y eut rien. Les loups virent exactement ce que Yomi leur avait annoncé. Une niche vide avec un fauteuil vermoulu. Mais ils ne le virent pas longtemps. Une explosion se fit, personne n'aurait su dire où. Tous ceux qui étaient dans la caverne tombèrent la face contre terre et il y eut un silence mortel. Quand ils se relevèrent à la voix de Jocelyn Guitant, la draperie d'argent était refermée. Yomi seul ne se releva pas. La foudre l'avait frappé. La stupeur profonde causée par cet événement régnait encore lorsqu'une catastrophe nouvelle vint la secouer violemment. Un bruit sourd et de nature inexplicable se faisait depuis quelques instants vers l'entrée des grottes. Des éclaireurs ayant été dépêchés vers la herse, une décharge eut lieu du dehors. Le son s'en prolongea largement sous les voûtes, comme un solennel signal de mort. Pour tous ceux qui étaient là, c'était la trompette du dernier jugement. Le traître était puni, mais l'effet de la trahison vivait. Deux des éclaireurs revinrent, et ils ne crièrent point aux armes. Les autres étaient restés morts derrière la herse. « Laissons nos fusils et prenons nos rosaires, » dirent les survivants. « C'est l'heure de mourir. Les soldats de Conti sont là, qui bouchent avec des roches l'entrée de la fosse aux loups. » Pendant quelques minutes, ce fut un sombre silence, puis des cris de rage s'élevèrent. Un flot impétueux se précipita vers la herse. Il n'était plus temps. La dernière roche venait d'être posée, bouchant la dernière fissure. Derrière ce mur infranchissable, on entendait les rires cruels des soldats de Conti qui répétaient, jouant sur le nom du lieu, « Nous avons enterré les loups dans leur fossé. » Vous eussiez dit alors un troupeau de bêtes fauves derrière les barreaux d'une énorme cage. Ils allaient tous et venaient sans savoir, éprouvant machinalement de la main les murs de leur prison, cherchant des issues nouvelles et revenant toujours au point de départ, découragés, désespérés, fous. Quelques-uns, pris par le délire, recommençaient l'orgie. D'autres, accroupis en cercle, se disaient les uns aux autres d'une voix lamentable les horreurs de la mort qui allait venir. La mort par la faim, dans ces ténèbres lourdes et impénétrables, car les lampes allaient bientôt s'éteindre comme les vivres bientôt s'user. Les femmes pleuraient, se tordaient les mains ou poussaient d'extravagants éclats de rire. On entendait des chants joyeux parmi le concert des sanglots. La folie contagieuse montait à tous les cerveaux. Quelques-uns et quelques-unes, bien peu, s'étaient réunis autour de Dame Michon Guitant qui priait à haute voix. Une heure se passa, un siècle d'une horrible longueur. Il y avait des cheveux noirs qui avaient blanchi durant cette heure. On voyait partout des yeux caves et des joues creuses. Les jeunes gens courbaient les épaules comme des vieillards. Je vous le dis, un siècle. Quand Dame Michon Guitant eut achevé de réciter son rosaire, elle se leva et vint dans la galerie. « Dieu est bon, enfant, » dit-elle, « adressons-nous à Dieu d'abord. » Tous les genoux fléchirent. Après une courte prière, la vieille Michon dit encore « Suivez-moi ». Elle se rendit dans la chambre du conseil où Jocelyn n'était plus. Yomi, qu'on avait poussé dans un coin, donnait encore quelques signes de vie, mais personne ne le regardait seulement. « Souvenez-vous, enfant, » reprit Dame Michon Guitant, « autrefois, quand vous étiez dans la peine, à qui vous adressiez-vous après Dieu ?»« À Rohan !» répondirent quelques voix. Mais, firent d'autres voix désolées, Rohan est mort, il ne peut plus nous entendre. Rohan ne meurt pas, prononça gravement la vieille femme qui semblait grandir au milieu de cette foule affaissée. Souvenez-vous encore, quand Rohan était trop loin pour vous entendre, je venais à vous et je vous disais « Enfants, appelons tous ensemble et que toutes nos voix ne fassent qu'un seul cri. » « C'est vrai cela, » murmuraient les pauvres malheureux, comme des enfants dont le sourire perce les larmes. « Pourquoi ne ferions-nous pas comme autrefois ?» poursuivit Dame Michon-Guitan. « Nous avons prié Dieu. Appelons nos maîtres. » Elle se plaça au centre du cercle et d'une voix éclatante, « Rohan » fit-elle. Un écho faible lui répondit dans la foule. « Rohan » répéta-t-elle. Quelques voix appuyèrent. On avait éteint toutes les lampes, à l'exception d'une seule pour ménager d'autant la lumière qui est nécessaire à la vie comme le pain. Une lueur sembla s'allumer derrière la draperie d'argent. « Rohan !» appela Dame Michon pour la troisième fois. À ce coup, la foule tout entière se joignit à elle, car l'espoir rentrait dans les cœurs par cette voix du merveilleux, toujours ouverte dans les imaginations bretonnes. Le nom de Rohan, répété en cœur, fit trembler les voûtes. Miracle ! La tapisserie s'ouvrit d'elle-même. Le traître Yomi avait menti. La louve existait, car on la vit. On vit, dans la niche éclairée brillamment, assise sur le trône antique et la main droite appuyée sur la grande épée du duc Pierre de Bretagne, une femme belle comme les madones de nos églises, dont le front radieux se couronne d'étoiles. Elle avait sur ses épaules le long manteau d'Hermine, le manteau ducal des aïeux de Rohan. Les années remontaient-elles leur cours? Chacun reconnut bien Valentine, belle et jeune comme au temps du bonheur. Il n'y eut pas un genou qui ne fléchit, pas un front qui ne se courba jusqu'à terre devant la toute-puissance de la louve. La louve étendit la main silencieusement vers une ouverture qui venait d'apparaître à gauche du trône. Personne n'avait jamais vu cette issue qui était la vie pour tous ces condamnés. Le secret des issues de la caverne appartenait à Rohan, et Rohan n'avait jamais manqué à l'appel de ses vassaux en détresse. Une heure après, la fosse aux loups était une solitude. Il y régnait un silence profond, interrompu seulement par une plainte sourde et périodique. C'était le joli sabotier Yomi qui avait de la peine à rendre son dernier soupir. Le sort a des railleries cruelles pour les ambitieux de toute taille. Cette issue tant cherchée et dont la connaissance devait lui donner le pouvoir suprême, il la découvrait enfin, mais c'était à l'heure de mourir. Comme il sentait venir déjà les premiers spasmes de l'agonie, il entendit un bruit de pas dans la galerie déserte, et un homme qui portait une lanterne à la main sortit de l'ombre d'un pilier. Il semblait se guider avec peine dans les détours de la caverne. « Vais-je mourir ? » se disait-il, en tâchant d'éclairer les parois pour se reconnaître, « sans m'être vengé, sans avoir pardonné ?»« Hé, monsieur de Samogon ! » appela Yomi du mieux qu'il put. Et il ajouta, je me doutais bien que vous ne seriez pas le plus fort. Martin Blas se retourna en s'entendant appeler de ce nom et vint vers Yomi qui faisait effort pour se mettre sur son séant. Vous êtes blessé ? Dit-il, prêt à porter secours. Bien des remerciements, monsieur de Saint-Maugon, lui dit le joli sabotier. Vous valez mieux que votre conduite et je vais vous rendre un service avant de sauter le pas. Une bonne action, ça aide à mourir. Sa respiration commençait à siffler dans sa gorge. Il reprit, d'un air tout honteux, « Je me suis souvent moqué de ceux qui disaient des patenôtres. N'auriez-vous pas un bout de croix sur vous, par hasard ?»« Non, » répondit Martin Blas. Puis, par réflexion, « J'ai un reliquaire, » murmura-t-il. « Prêtez-moi ça. Ma défunte mère était une bonne chrétienne. Avec ses prières, vos reliques de saints et ma bonne action, j'irai peut-être en purgatoire. » Martin Blas lui tendit une boîte d'argent marquée d'une croix et fermée par un rond de cristal. « Ah !» fit le joli sabotier. « Vous avez gardé ça depuis 16 ans. Je l'ai vu autrefois au cou de Mademoiselle Valentine. » Et comme Martin Blas rougissait, « Vous avez bien fait, » reprit Yomi en baisant le médaillon. « Elle aussi est une sainte. »« Comment ? » s'écria Martin Blas. « C'est toi qui me dis cela ?» Il y a un coquin sans entrailles qui ne mérite point de pardon, répliqua Yomi, dont la voix allait s'affaiblissant. C'est Alain Paulduc. Alain Polduc m'avait donné de l'argent pour vous mentir. Valentine de Rohan était pure comme les anges de Dieu. Et le jour où vous l'avez abandonnée... » Il s'arrêta, le souffle lui manquait. Martin Blas se pencha sur lui. « Eh bien, » fit-il. « Eh bien, » acheva Yomi dans un dernier effort, « le comte de Toulouse lui avait proposé sa main, et votre femme avait montré le berceau de l'enfant en disant « Je suis mariée à l'homme que j'aime. » Sa tête retomba lourdement, cependant il put dire encore « Voilà une vraie bonne action que j'ai faite. Avec ça et la miséricorde de Dieu, j'espère... » Il était mort. Morvan de Saint-Maugon resta auprès de lui, comme foudroyé.